tête quand t'es moine, tu over. T'es mis ma vie d'artiste au départ. Maintenant tu me parles en babe, tu me déçois. Prends pas un chance ou Jack Ololo. Bébé m'en veux pas, t'es pas contre toi. Fais pas team mini, j'changerai pas pour toi. Accepte mon identité ou fais le choix de me quitter. J'voulais la vie comme Pablo. Gagner ma vie dans le barrio. Je sais que tu m'as vu dans le barrio. Mais je remercie mon rien de changer. Je ferai toujours chanter la zone. Même au sommet, je ferai toujours danser la zone. Corps à corps, si tu peux pas t'y faire, c'est mort. Sans effort, tu veux pas laisser tomber. On fait les bons choix pour pas regretter. Je sais que ça va marcher, je suis pas pressé. Les quatre saisons, je me suis mis en danger pour le papier. C'était la musique ou finir en mes yeux d'arrêt. Je sais que c'est pas évident, pélo, évident, pélo. J'ai vu des choses que je peux pas raconter. Une envie de m'éloigner des giros, avoir la vue sur l'eau. Le jour de paye, j'ai le sourire à tenter. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai la vie comme Pablo. J'ai la vie dans le barrio. Je sais que tu m'as vu dans le barrio. Je remercie mon rien de changer. Je ferai toujours chanter la zone. Mais au sommet, je ferai toujours danser la zone. Corps à corps, si tu peux pas t'y faire, t'es mort. Sans effort, tu veux pas laisser tomber. Je fais la maison, oh, oh, c'est ça le thème. Je m'aime les clés du réseau, oh, oh. Et pourtant, j'avais bien prévu mon plan, oh. J'ai merdé, c'était toi qui avais raison, oh, oh. Dans la tête sur le petit, millions de vues sur le petit. Et c'est que je coffre encore, je suis déjà tué à midi. J'ai pas vraiment le choix. J'ai la vie comme Pablo. Et ma vie dans le barrio. Je sais que tu m'as vu dans le barrio. Je remercie mon bien de changer. Je ferai toujours chanter la zone. Mais au sommet.